Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et 23h, s'il faut vous le dire deux fois. Cette semaine, l'école républicaine au péril des inégalités, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a cet éternel mois de septembre où l'on retrouve encore parfois du sable dans ses chaussures ou un brin de lavande racorni au fond de sa poche. Pris entre la nostalgie de l'été et les résolutions de la rentrée. Ça sent les cahiers neufs, les soirées à couvrir les livres et les marronniers. Mais il y a surtout une devise, gravée sur le fronton des écoles et qui semble désormais perdre de son sens. Alors pour commencer, les personnages. Une lycéenne qui sait où elle va, une prof qui fait l'intermédiaire, une jeune fille qui veut devenir avocate, un élève qui sait qu'on lui ment, des lycéens qui veulent autre chose, des sociologues qui scrutent, des lycéens qui se débattent, d'autres face aux statistiques qui les concernent, une lycéenne qui traque les clichés et d'autres douloureusement lucides. Ensuite, le décor. Une classe, un cours de SES, du par cœur, de l'autocensure, des clichés, des préjugés, le rêve d'un bon salaire, des conseils de classe, des voies de garage, des destinées, des lycées techniques et des bacs pro, du mépris, des BTS, une ville qui rejette les classes populaires et des stages de troisième. Aujourd'hui, dernier épisode, enfin libre. Alors là, vous êtes en vacances, ça y est, c'est fini, l'année est terminée. Comment elle s'est passée cette année ? Moi, mon année s'est passée. C'est mieux passé à la fin de l'année qu'au début parce que j'ai mis un peu de temps à m'adapter au changement entre le collège et le lycée. Toi, tu passes en quelle première ? Moi, je passe en STMG et c'est un choix. Voilà, je tiens à le dire. Parce que c'est une filière qui est très mal vue. Parce que ça fait un peu, entre guillemets, classe poubelle. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai dit aux gens que j'allais en STMG, ils me regardaient tous un peu à « Ah, STMG ». Puis même, enfin, je l'avoue, hein, même quand j'étais au collège, pour moi, quand on me disait STMG, enfin, c'est pas que je rigolais, mais... Enfin, moi, on m'avait dit que c'était pas une très bonne classe, qu'il y avait que des gens qui voulaient pas travailler dedans. Que ça allait pas être des personnes avec qui j'avais l'habitude de rester, que c'était peut-être des personnes qui venaient d'un milieu social plus pauvre. Après, moi, perso, vraiment, ça, c'est... Je m'en fous totalement. Même si c'est vrai, même si c'est pas vrai... Les filières STMG, c'est du concret et moi je préfère le concret, j'arrive mieux avec le concret. Voilà. Quand l'école républicaine fabrique les inégalités sociales, des élèves qui ne sont pas dupes. Par Alain Lefkovitch et Vincent Deck. Si vous avez une idée d'entreprise, vous tapez le nom de l'entreprise dans Google ou enfin, le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser et on va voir l'actualité qui sort sur l'entreprise. Et à partir de ce que l'on a comme matériel, comme article, on va commencer à se poser la question, qu'est-ce que je peux poser comme problématique ? Alors, je vais passer vous voir les uns après les autres. Et si vous n'avez pas du tout d'idée, on va commencer à réfléchir comment en trouver une. D'accord ? Allez, Moustapha, boulot. Liberté, égalité, fraternité. La devise républicaine inscrite sur tous les frontons des écoles et que les élèves confrontent quotidiennement à leurs réalités individuelles. Combien sont-ils encore à y croire ? Ils ont entre 15 et 16 ans et sont élèves d'une des deux classes de première STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de la capitale. Une première bien différente des autres, des premières dites générales, dans lesquelles les élèves ne seraient pas les mêmes. Constat prégnant devenu évident, que tente d'adoucir quotidiennement Élodie Baquet, leur prof adoré, comme ils disent. Qu'est-ce qui se passe ? On va travailler sur le dossier d'épreuves anticipées au bac de sciences de gestion, c'est-à-dire ils ont un dossier à faire sur une entreprise et ça va être la première fois qu'ils vont commencer à travailler la problématique. Alors ça peut être la problématique, la prise de risque, l'individu dans l'entreprise, la circulation de l'information. En fait, ça va leur permettre d'appréhender autant la spécialité qu'ils peuvent choisir l'année prochaine que la vie d'entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise. C'est vraiment le premier contact un peu concret qu'ils vont avoir généralement avec le monde, ce monde réel, ce monde économique. Bon. On voit le résultat, c'est découvrir des sites sur lesquels ils ne vont jamais, parce que Challenge, par exemple, les échos, ils ne connaissaient pas. comment on va chercher une information, qu'est-ce qu'on utilise comme information, la différence entre 20 minutes, par exemple, et challenge. On apprend à chercher, on apprend à rédiger, on apprend à questionner un sujet. C'est vraiment tout ce dont ils ont besoin pour le bac qui commence à se mettre en place de façon sur un sujet concret, de façon concrète aussi par un dossier qu'ils présenteront en fin d'année. Et c'est préparer leur première orale aussi avec l'oral de français. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors vous me disiez, c'est là qu'on voit que le gap est important entre ces élèves et ceux des filières générales qui, eux, ont visiblement plus l'habitude déjà. Bah oui, mais la plupart du temps, dans les filières générales, on leur a déjà fait lire Le Monde, etc. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont les grands frères et grandes sœurs qui les aident. Hein. Il y a des grands frères et grandes sœurs très très brillants d'ailleurs. Mais la plupart du temps, les parents n'ont pas les moyens de les aider. Ils n'ont pas fait assez d'études, ils ne savent pas comment faire ou ils n'ont pas le temps parce qu'ils rentrent très tard, parce qu'ils ont des emplois plutôt en fin de journée. Voilà, il y a ça aussi. Madame, mais genre, j'ai pas vu de trucs j'ai oublié comment j'ai. Pour sur manger, sur le manger. Sur la nourriture. Ouais, gastronomie. Gastronomie, j'ai rien trouvé. La gastronomie. Alors, vous cherchez. En ce moment, il y a plein de choses sur les grands chefs. Alors là, par exemple, ça peut être quoi? Le guide Michelin, normalement, c'est français. Le fait qu'il s'exporte à Shanghai, c'est aussi quelque chose de stratégique. Il y a beaucoup d'argent en Chine. Et là, on va aller regarder dans d'autres journaux. On va regarder dans Les Échos. D'accord? Dans management, des choses comme ça. Parce qu'on ne peut pas avoir qu'une seule source, il faut à peu près 5 sources. Alors vous? Alors, on va prendre... On va aller sur Google. Il marque accès directement. On va faire actualité, d'accord? Alors, ah oui, ils ont sélectionné, mais déjà, des fois, ça peut vous donner des idées. Alors, tu cherches quoi exactement? Enfin, je cherche des informations sur l'entreprise sur laquelle je vais travailler. C'est quelle entreprise? AXA Assurance. Et alors, pourquoi tu as choisi AXA? Parce que c'est une entreprise qui m'intéresse et que c'est dans ce domaine-là que j'aimerais travailler plus tard. Vous prenez des notes là-dessus, vous notez bien le site. Après, on va essayer de regarder dans la presse, Les Échos, etc., si on trouve d'autres articles. D'accord. Vous lisez, vous prenez des notes un petit peu. Et puis, je repasse tout à l'heure. Donc là, on voit que comment on lit l'Obs, comment on lit Les Échos, ça veut dire quoi toute cette façon d'aborder un certain niveau de langage, on doit les aider à passer ce stade. Et comment on comprend l'information aussi. BFM TV, enfin tout ça, c'est voilà, ils écoutent. Pour eux, c'est il y a la easy information, ce que j'appelle la easy information, comme la easy listening. Ils sont habitués à l'information d'ascenseur, mais aller creuser plus profondément, ça va être la première fois. Et puis aussi, j'essaye aussi de leur demander de trouver une entreprise qui est en corrélation avec leurs envies. Donc, autant passer ces 6 mois sur un sujet qui les intéresse et qui va les aider à construire leur vision du monde professionnel. Commencer aussi à rendre ce vocabulaire technique plus accessible et leur montrer que finalement, ils savent poser des questions, donc ils savent problématiser. Et après, ce qu'ils savent faire, l'adapter à des sujets, à un vocabulaire, à une technique. Parce que là, on rentre aussi dans le vocabulaire technique par la façon de problématiser. Donc c'est beaucoup d'acquisitions à avoir en peu de temps. Mais pourquoi ça, c'est pas acquis avant que certains partent en STMG, d'autres dans les filières dites générales? Parce que c'est pas acquis à l'école, ça s'acquiert à la maison maintenant la plupart du temps. Là, ça permet vraiment de passer un temps en TD avec chacun pour pouvoir voir si leur sujet va aller, si leurs envies conviennent au sujet, etc. etc. S'il n'y a pas à la maison, on ne peut pas leur donner. C'est ça, c'est surtout ça le problème. On peut regarder d'ailleurs, c'est principalement des ouvriers. En STMG, c'est des enfants qui n'ont pas de famille pour les accompagner dans leur scolarité, qui essayent de tout faire. Hein. Au niveau éducation, ce n'est pas les plus mal élevés, paradoxalement. Ou des enfants où il y a de l'argent. Mais par contre, on leur donne des billets, on leur achète un super scooter, mais on les aide pas. Donc eux, par contre, ils ont Le Monde à la maison, des choses comme ça. Mais si on n'a jamais lu avec eux Le Monde, ils vont pas non plus y aller spontanément. Ils vont être très bien, ok, c'est quelque chose qui est à la portée de main, mais pourquoi l'ouvrir? Donc voilà, c'est pour eux l'information. Le sérieux, il y a l'ennui, mais il y a aussi parce qu'on leur a pas expliqué avant. Et je pense que ça fait longtemps dans la scolarité, enfin, ils sont passés au-dessus, à force qu'on leur répète que de toute façon, ils sont nuls, ils sont bêtes. Bah, ils sont nuls, ils sont bêtes, ils se comportent comme des gamins qui sont nuls et qui sont bêtes. C'est juste ça, quoi. C'est, enfin, premier trimestre avec des premières, je crois que c'est leur donner... Enfin, moi, je mise sur la confiance qu'on peut leur donner, surtout. On nous demande de récupérer ce qui a été broyé par le système scolaire. Mais si on veut leur donner les chances d'avoir le bac, ça veut dire que nous, on doit récupérer aussi cette partie-là. Et sur tout ce qui est tout le langage sérieux. Non, mais cherchez la Nadine Ramin, tout ça. C'est je peux ou peux pas. C'est hallucinant à quel point ils se posaient la question je peux ou je ne peux pas. Alternative économique, ils ne s'imaginent pas qu'ils puissent le lire. Enfin, il y en a un qui m'a dit mais c'est vrai, vous croyez qu'on peut ? J'ai les moyens de comprendre. On leur a mis une frontière que nous, on doit casser, en fait, c'est surtout ça. Alors, qui leur a donné ces barrières ? Enfin, qui leur a imposé ces barrières ? C'est l'école, c'est la société, c'est leur quotidien ? Je crois que c'est un ensemble. La stigmatisation qu'il peut y avoir, fils d'immigrés, déjà, il y a un instant. Déjà, il y a énormément de préjugés sur la première vague d'immigration maghrébine. Oui, ils sont un peu plus foncés. J'ai envie de dire, les préjugés augmentent aussi avec la couleur de peau. Les Noirs, plus ils se prennent de préjugés dans la figure, j'ai l'impression. C'est hallucinant. Donc voilà, quand on leur a dit, bah, c'est pas grave, tu feras femme de ménage comme ta mère. C'est violent. Quand le journal, c'est 20 minutes, et déjà, quand ils lisent 20 minutes, déjà, c'est bien, ça veut dire qu'ils s'intéressent. Comment on peut faire ? C'est pas évident, quoi. Et puis, je pense que 35 par classe, c'est pas possible. Enfin, c'est la base du problème. On peut pas faire de miracle avec le nombre d'élèves, on peut pas faire de miracle avec tout un vécu, on peut pas faire de miracle avec le non-accompagnement. Enfin, c'est compliqué. Je pense qu'ils ont besoin qu'on les aide à trouver le chemin. Alors juste, mais leur tenir la main et tu sais faire, et voilà. Et partant de là, moi, je trouve que... Enfin, je suis toujours surprise à quel point c'est miraculeux. Mais je sais pas ce que c'est l'exercice que vous nous avez demandé, madame. C'est pour le dossier. C'est pour le dossier. Mais j'ai trouvé Chanel. Ah ouais, mais vous voulez faire sur Chanel ? Bon, regardez Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Hermès, L'Oréal. Alors. Là, il y a tout ce que je veux. Toi, tu cherches quoi exactement ? Je recherche quelque chose dans le domaine de la mode. Ouais, la mode et de la haute couture. Ouais, voilà, haute couture, précisément. Alors, qu'est-ce que t'as pas compris dans l'exercice ? Comment ? Je pense qu'elle doit développer. Il faut trouver une actualité qui est plutôt économique. Ouais. D'accord ? Mm-hmm. Pour l'instant, là, on voit quoi ? Qui parle uniquement de mannequin. Ouais. Alors, en ce cas-là, c'est mal parti pour le sujet. Mm. Alors, on peut faire Balmain, stratégie économique, par exemple. Mm-hmm. Voilà, éco-stratégie. Vous allez regarder un petit peu là, tout ce qui se passe. Vous voyez Le Monde, par exemple, ça c'est bien. La révolution digitale de Balmain. Ouais. Alors vous lisez, puis je repasse pour que vous me racontiez ce qui est dit dans le... Ça je connais ça, je l'ai déjà lu cet article. Balmain, Dior, c'est des marques qui font partie de... La haute couture. Oui, mais surtout de grands groupes. Mais madame... Non mais regardez Dior, entreprise Dior. Entreprise... Ça va. Ouais. Mais madame, moi je vais pas faire sur Dior, hein. Je vais faire sur Chanel. Ah bah aussi c'est LVMH, LVMH. Alors là, on s'aperçoit de quoi ? LVMH, ils ont la moitié du luxe. Mais LVMH c'est qui ? Ah bah alors, qui dirige LVMH ? LVMH. C'est un Italien, je crois. C'est Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault. C'est un grand homme d'affaires en France. Il est très riche, en fait. Riche. Extrêmement riche. Mais pour vrai, il partage pas sa fortune. Ouais, il m'embauche pas. Ouais. Eh ben, vous envoyez-lui un mail, hein. Ah ouais, ouais. Vous pensez là, qu'on il peut en reçoit trop, ouais. Mais lui, il a été ingénieur. Et ses parents, ils sont riches, de base. Donc, Oh my God. Moi, je m'appelle Anaïf Ndidi Saka. Alors, vous voulez faire quoi plus tard ? Bah, jusqu'à cette année encore, je voulais devenir avocate. Parce que j'aime bien le droit, etc. Mais petit à petit, je vois les obstacles que j'ai. Et je me dis que je préférerais plutôt faire des choses dans le marketing, par exemple dans la vente de luxe ou ce genre de choses-là. Alors, c'est quoi les handicaps ou les obstacles ? Pour être avocate ? Bah, déjà, en premier lieu, je suis noire. Et ça peut être quand même désavantageux pour moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avocat noir, mais c'est beaucoup plus difficile aussi parce que la couleur, ça joue beaucoup. Ensuite, il y a l'apprentissage. Moi, j'aime pas vraiment connaître les choses par cœur. J'aime bien savoir les choses à ma manière. Et le droit, c'est du par cœur. Et le nombre de années que ça prendra. Moi, je me vois faire des études longues, mais avocat, ça demandera beaucoup d'obstacles, des concours et tout ça. Et je pense pas me sentir prête à le faire. Et à l'école, ça joue aussi, la couleur de la peau ? Non, je pense pas. Enfin, ça dépend pour qui, je sais pas. Moi, pour ma part, ça joue pas. Je suis intégrée, j'ai des camarades de toute origine. Non, à l'école, ça joue pas forcément. Après, peut-être avec certains profs qui se plaignent, par exemple, toujours, c'est les Noirs et les Arabes. Par exemple, en STMG, il y a beaucoup ce genre de clichés-là. Et ça peut être un obstacle pour certaines personnes. Ils se mettent ça dans la tête, ils se disent, du coup, moi, je pourrais pas faire ce métier-là. Peut-être, bon, c'est un petit peu mon cas. Je pourrais pas faire ce métier-là parce que je suis de cette origine-là. Je pourrais pas faire ce métier-là parce que je suis comme ça. Oui, c'est un obstacle. En même temps, vous êtes tous français ? Oui, on est tous français. Enfin, la plupart, oui, on est tous français. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez déjà intégré que la couleur de peau, c'était quelque chose d'important, qu'elle est en tout cas rentrée dans votre futur ? Bah oui, hein. Mais on voit dans le monde de tous les jours, hein, les Noirs et les Arabes, enfin, les fils d'immigrés, on va dire, ils sont genre discriminés, on se dit, c'est des enfants de la rue, genre... Ils sont sans avenir et tout, alors qu'il y a des fils d'immigrés qui veulent se donner les moyens de réussir et tout. On veut tous réussir en vrai. Et voilà. C'est vrai, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, je suis noire. Déjà, ça, on avait choqué plus d'un que je m'appelle Anaïs. Pourquoi je pourrais pas m'appeler Anaïs étant que je suis noire ? On me dit souvent « Oh, tu t'exprimes bien, tu parles comme une blanche » ou plein de trucs comme ça. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu normal. Je suis née ici, je m'adapte au pays. Enfin, je parle comme tout le monde et ça choque toujours les gens. « Oh, pour une Noire, t'es comme ci, pour une Noire, t'es comme ça, pour une Noire, tu t'habilles comme ça. » On le dit parfois en rigolant. « Oh oui, regardez, les Noirs et les Arabes, c'est toujours eux qui foutent la merde. » On en rigole de temps en temps, mais en vrai, c'est quelque chose avec quoi on vit depuis des années. Enfin, on est né avec. Moi, je me rappelle, en primaire, par exemple, moi, je vis dans un quartier où les Noirs, ils sont arrivés très tard. Ils commencent à arriver maintenant. Ça veut dire que j'ai grandi dans une école où il y avait 8 que des Blancs. Et je me rappelle, on me traitait de singe parce que j'étais noire. Ou « Regarde, elle a des faux cheveux. » Plein de choses comme ça. En fait, c'est des trucs vrais, hein, mais nous, on en rigolait. Genre, avec mes potes, quand ils nous disaient on était des singes, on prenait ça à la rigolade. Hein, mais c'est vrai. Hein. Quand on t'appelle Bamboula ou on te dit négro, c'est plein de petites choses comme ça. Ça peut faire rire certaines personnes, mais nous, ça nous touche, en fait. On en rigole pas. Ou même aussi, il y a vraiment quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi on nous appelle pas les Noirs directement. Tout de suite, les Blacks, faut atténuer la chose. Je sais pas. On a quoi de moins que les autres ? Pourquoi on est toujours mis dans une case ? On est toujours mis à part ? Pourquoi faut toujours, atténuer les choses ? Je comprends pas. Et pourtant, sur le devant de l'école, de toutes les écoles, il y a écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Je pense qu'ils font ça... c'est du semblant, on va dire. C'est des égalités. Pour moi, la devise « Liberté, égalité, fraternité », elle est fausse. C'est du semblant pour moi. Il y a une part de vérité parce qu'en soi, bon, égalité, dans certains lieux, on est tous égalitaires. On le voit maintenant, par exemple, là, on est dans un bar, il y a des blancs, il y a des noirs. On ne va pas nous rejeter parce qu'on est noirs. Mais je ne sais pas, des fois, elle perd son sens quand on voit certains actes. On se demande vraiment à quoi ça sert, à quoi sert cette devise si c'est pour que le quart des gens ne la respecte pas. On le remarque par rapport au groupe en classe. Et généralement, le deuxième groupe, c'est toujours le groupe où il y a les Noirs et les Arabes. Et bizarrement, c'est toujours le groupe qui pose problème aux profs. Toujours. Ça, c'est vraiment quelque chose que je constate depuis que je suis au collège. Pour cette année, ça joue pas. Là, étant donné qu'on est en STMG, toute la classe, et la plupart, c'est des Noirs et des Arabes. Mais moi, par exemple, je sais que l'année dernière, j'étais en seconde, il y avait ce problème-là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait cette constatation-là. Mais cette année, il n'y a pas ça, vu que... STMG, il n'y a que des Noirs et des Arabes principalement, on va dire. Élodie Baquet, quand on aborde la question du lycée, on fait toujours la distinction entre d'un côté le lycée technique et l'autre le lycée dit normal. Pourquoi on fait cette distinction ? Alors déjà, le lycée technique est dans le lycée général. C'est pas physique, mais au niveau des enseignements, dès qu'on passe le technique, par exemple, moi j'enseigne plusieurs matières. J'enseigne la science de gestion, donc ce qui veut dire aussi le management, l'éco, le droit. Par exemple, ça me permet d'être 10 heures par semaine avec certaines classes. Eux sont aussi en recherche dans ces cas-là de proximité avec le prof. Parce que pour bien vivre 10 heures par semaine ensemble, il faut travailler là-dessus aussi. Et essayer de les impliquer dans la vie de la classe dans ces cas-là. Parce que c'est des jeunes qui ont envie d'apprendre, c'est des jeunes qui veulent faire quelque chose, qui sont conscients de la dureté de la réalité économique. Ils savent qu'ils vont avec un bac, ils iront pas loin, qu'il faut un BTS, tout ça. Enfin, il y a cette chatche là, qui développe, justement, qui surdéveloppe pour compenser cette faiblesse la plupart du temps. C'est un vrai plaisir d'entendre ça. On n'a toujours pas les mêmes facilités à recruter un black, un maghrébin, enfin, un ou une, déjà, pour un poste d'avocat. Ça reste, il y a toujours une différence. Donc, qu'est-ce qui se passe? La société évolue et en même temps, on est une partie de la société qui n'évolue pas. Et l'enseignement doit aussi s'adapter à cette évolution-là. Ça fait partie aussi, nous, de notre travail, je pense. Il y a aussi une culture différente. Il y a des jeunes, vraiment, enfin, qui sont musulmans pratiquants, qui laissent leur religion à l'entrée de l'école. Mais aussi, par exemple, ça va influencer leur réflexion, leur jugement. Et ils le savent, ils vous le disent, qu'ils ne vont pas penser de la même façon quelqu'un qui a grandi dans un milieu catholique. Bon, même si on est en domaine de laïcité, comment on gère ça au niveau d'une société? Eux, ils ne comprennent pas qu'on puisse avoir un jour férié pour Noël et que pour le ramadan, les parents doivent encore poser des congés. Ça questionne beaucoup aussi. Quand on leur dit « tous les hommes sont des libres et égaux en droit », ça les questionne vraiment. Et moi, je leur dis que ça va être à eux de faire évoluer la société, de se faire entendre d'une façon ou d'une autre. Enfin, je ne les incite pas à la violence, à prendre leur place et prendre sa place. Si on veut prendre sa place aussi, savoir écrire, c'est très important. Bon, après, il y a une évolution possible. Quand on voit une première et une terminale, on voit que c'est possible d'apprendre à écrire, de travailler ça. C'est la bonne nouvelle. Mais là, ils ont quand même aussi un peu l'impression que c'est comme l'huile et l'eau, quoi. Ça se mélange pas bien. Ils n'arrivent pas à pénétrer certaines zones de la société. Qu'est-ce qu'on fait? On est quand même là pour aider des jeunes à évoluer, à prendre leur place pleinement, pas à moitié. Il y a cette jeunesse à qui il faut laisser de la place et pas intégrer, parce qu'ils sont nés en France, ils sont français. Enfin, c'est ça aussi. C'est enlever le mot intégration, s'il n'y a pas à les intégrer, puisque leur place est là, c'est leur territoire. Et malgré tout, c'est un territoire culturel qu'une jeunesse a à conquérir. C'est plus ça. Et là, on n'est plus dans les questions d'origine. On est dans les moyens qu'on donne dès le plus jeune âge, je pense, pour pouvoir compenser ce qui se passe pas à la maison. Parce que y a quand même. C'est ça, pour moi, c'est ça la vraie fracture, en fait. Enfin, moi, j'ai vu des copies de BTS avec un niveau de français complètement hallucinant. Enfin, mon neveu de 12 ans écrivait mieux que cette copie de BTS. C'est une grosse refonte, je pense, de l'éducation nationale, peut-être, à avoir. Est-ce que les enseignants ont les moyens pour l'instant? Je ne sais pas non plus. Enfin, je crois que chacun fait ce qu'il peut avec sa classe, du mieux qu'il peut, avec les moyens qui sont impartis. Il y a ça. Quand les parents sont au chômage depuis longtemps, comment on fait? Quand maman travaille tous les soirs, homme ou femme de ménage, comment on fait? Il y a tout ça. Quand c'est le grand frère ou la grande sœur qui garde et pas les parents, c'est pas la même autorité. Ce que vous vous dites le matin quand vous arrivez devant vos élèves, comment je vais faire pour régler ce problème de la maman qui travaille tous les soirs, de la sœur de 12 ans qui garde le petit frère de 4 ans? Ah, moi, je fais abstraction, hein, parce que sinon, on ne peut pas non plus. On n'est pas là pour se substituer. Je suis plus là pour guider, quand je vois quelque chose qui ne va pas, expliquer comment on peut s'améliorer. C'est à moi de proposer par étapes quelque chose, hein, mais comme font tous les profs, je pense. Et comment on peut faire pour accompagner petit bout par petit, petit pas par petit pas. Mais. On ne peut pas. Enfin, si on arrive au lycée en se disant qu'on va devoir gérer tout ça, multiplié par 25, 30 ou 35, on ne rentre plus dans la classe de cours. Là, on ne peut pas porter cette charge. Il faut aussi savoir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter. En l'occurrence, un savoir qui peut mener à réussir un examen. enfin qui permet à mener au bac. C'est bien sûr qu'on va dépasser, enfin, on n'est pas strictement scolaire, forcément qu'on dépasse. Mais on peut pas. Non, enfin, je pense qu'au quotidien, on ne peut pas gérer ça. T'aimerais faire plus tard? Je sais pas encore, mais je pense un métier qui sera un métier pas très chiant, qui m'intéressera. C'est quoi un métier pas très chiant? Par exemple, pas caissier, par exemple, je vais faire caissier. Un métier qui est intéressant. Caissier, c'est pas intéressant? Rester assis au même endroit, c'est pas très fun. C'est quoi un bon métier pour toi? Bah, un métier où on gagne beaucoup. Si tu gagnes des millions, ça c'est vraiment t'as apprécié ta vie, ça veut dire. Un bon salaire, c'est quoi par exemple? 2500 euros, ça va. Ça dépend, on est combien dans la famille, etc. C'est assez, je pense, pour vivre correctement. Des forces d'inégalité sociale d'insertion dans l'enseignement professionnel. À diplôme de la voie professionnelle équivalent, selon leur milieu social, les jeunes ne sont pas égaux face à l'insertion dans la vie active. La contribution de Di Paola, Djellab, Moulet, Olympio et Verdier, CNESCO 2016, montrent qu'après 3 ans de vie active pour les bacheliers professionnels, la différence des taux de chômage entre enfants de cadres et enfants d'ouvriers est de 6 points, 17% contre 23%, avec un écart plus important pour les bacheliers tertiaires, 16% contre 26%. Pour les CAP, BEP, ces inégalités de rendement social des diplômes existent également et se sont accrues depuis la crise économique de 2008. On va reprendre. Qu'est-ce que vous avez compris, Moustapha? Alors, on a compris que pour moi, en fait, la voie professionnelle, c'est depuis le collège qu'on nous dit que c'est pas bien d'aller en professionnel. Parce que les gens qui sont en professionnel et en CAP sont mal vus, en fait. Parce qu'on pense qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour aller en général. Quand par exemple on était au collège, et ben, on nous disait de ne pas aller en pro. Et là, comme on est en seconde, on nous dit de ne pas aller en STMG. Ça veut dire qu'on doit toujours nous dire où on doit aller. Moi, j'ai dit qu'on ne va pas se mentir. Franchement, la plupart des STMG, c'est tous des enfants d'immigrés. Et c'est vrai qu'après les STMG aussi, vous renforcez le stéréotype sur les STMG. Par exemple, rien que depuis tout à l'heure, vous êtes tous en train de crier, vous ne levez pas la main, tout ça. Il y en a, ils n'allument même pas des phrases. Après, je ne parle pas de tout le monde. Hein. Il y en a, ils disent des vraies phrases, mais voilà. Mais pourquoi tu penses que c'est que les enfants d'immigrés On va pas se mentir quand même. Parce que par exemple, genre, il y en a là, ils sont. Par exemple, ceux qui sont. Les enfants. On va dire les Français par exemple. Vous voyez, eux, genre, leurs parents, ils parlent français, tout ça. Genre, même niveau école, leurs parents peuvent les aider pour les devoirs, tout ça. Alors que les enfants d'immigrés, la plupart, leurs parents, ils parlent même pas correctement français. Donc après, c'est vrai que ça joue au niveau des devoirs, tout ça. Après, ça joue au niveau des études, tout ça. Donc c'est vrai que donc c'est pour ça la plupart on est en STMG. Il y a la différence hein, quand même, on va pas se mentir. Nous encore dans notre classe, il y a de la mixité comparée à la deuxième classe d'STMG. Bah dans notre classe d'STMG, on va dire il y a quasiment que des Noirs et des Arabes. Ici aussi. Il y a 3 Français, je crois, non? Le taux de réussite, ce qu'ils ont expliqué dans le texte, c'est que le taux de réussite, il dépendait aussi, que ça se transmettait de famille en famille. Que par exemple, dans notre famille, il n'y avait que des personnes, je dirais pas intelligentes, mais ayant un bon milieu scolaire, une bonne intelligence, et ça se transmettait. Et c'est prouvé en fait. Mais en gros, si on a, genre, si dès la naissance on n'est pas dans une famille bien, qui est aisée et tout, en gros, toute notre vie ça va nous suivre et ça va nous désavantager. Ça vous suit? Oui. Vous pensez qu'on ne peut pas évoluer socialement? Si, on peut, mais en fait, c'est un cas exceptionnel. Enfin, il y a plus de chances que ça nous poursuive que qu'on s'en sorte. Personnellement, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, c'est à ça que ça sert l'école, justement. C'est peu importe si on est pauvre ou riche. C'est à nous de faire notre propre voie grâce à l'école. Par exemple, le lieu d'habitation et tout, ça peut jouer sur la personne. Parce que quand, par exemple, on vient d'une banlieue... Quand on vient d'une banlieue sensible, on va dire, entre guillemets, sensible, c'est sûr que ça va pas jouer sur... Enfin, pour la même personne, ça va pas être pareil. Voilà. Le prénom et le nom de famille, ça joue aussi. La personne qui aura un nom plus français, elle aura plus de chances que... Et que même quand elle a demandé nationalité, c'est vrai, on nous demande si on veut changer, on veut franciser notre prénom. Par exemple, Marine, il nous propose ça aussi. En gros, il y a par exemple un Français et un Arabe ou un Noir, ils peuvent faire les mêmes études, mais ils vont plus privilégier le français et tout. Ben, c'est tout, ils vont juste les privilégier par rapport à ça, c'est tout. Des diplômes aux rendements sociaux inégaux en termes d'emploi. Le baccalauréat n'est pas le même pour tous. L'objectif fixé de 80% d'une classe d'âge possédant le niveau baccalauréat masque la réalité des inégalités sociales de diplomation. Il existe une hiérarchie entre les voies générales, technologiques et professionnelles et au sein des voies. C'est entre les filières que se joue la hiérarchie. À ce titre, la filière scientifique de l'enseignement général est considérée comme étant une voie royale. Qu'est-ce que vous avez compris ? Et que ça dépend des voies générales, technologiques et professionnelles. Il y a une hiérarchie entre les filières, c'est tout. Et vous en pensez quoi de cette spécialisation ? C'est trop nul. Bah, en fait, c'est pas quand on avait le choix, quoi. La STMG, pour les profs, c'est la solution de repli. C'est-à-dire que s'ils estiment que les élèves, ils n'ont pas les capacités à aller dans une filière générale, ils nous envoient tous en STMG. Ceux qui n'ont pas choisi la STMG, souvent, ils s'y retrouvent parce qu'ils n'ont pas pu avoir la EES ou avoir la L ou une filière générale. Moi, l'année dernière, mon prof principal, il disait que ceux qui allaient en STMG, c'était les déchets, quoi, en gros. En gros, il disait ça parce qu'il disait que c'était mieux de redoubler la seconde et d'avoir la filière, entre guillemets, souhaitée, même si on préférait aller en STMG, que d'aller en STMG par dépit. C'est plus les professeurs qui disent. Moi, l'année dernière, mon prof de mathématiques, il disait si vous continuez comme ça à pas travailler, tout ça, vous allez finir comme les STMG l'année prochaine, vous n'allez pas avoir votre filière, vous atterrirez pas en général et tout ça. Mais bref, il nous a, je sais pas comment on dit, rabaissé. Ouais, il nous a rabaissé, il nous a descendu. Mais pour rien en fait. En plus, c'est lui, il apprenait mal. Des phrases, par exemple, je dirais pas quand ou pourquoi, mais quand on entend des phrases comme en cinquième, on sait déjà qui va en techno. Ah oui, qui fera. C'était quoi les mots dits exacts alors? C'est-à-dire qu'hier, on était à un conseil d'administration donc du collège, et il y a deux professeurs donc qui ont pris l'initiative avec une association de mettre en place pour les à partir de la cinquième jusqu'à la troisième, de dire aux élèves qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard au niveau de ton orientation professionnelle. Donc eux, il y a un prof qui dit oui, on peut déjà déterminer, savoir qu'est-ce qu'il fera, général ou professionnel. Voilà. J'ai eu un choc, j'ai connu des élèves qui en troisième, un déclic, ont eu le brevet, c'est-à-dire c'est comme si on vous dit vous n'avez pas de chance, stop, vous n'avez pas de chance, voilà, ce sera soit ça soit ça. Comment ça? J'ai pas compris. Pourquoi? Je comprends pas. Yassine El Jaouari, vous êtes professeur d'histoire géo dans ce collège, Lucie et Raymond Aubrac, dans le 11e arrondissement. Alors, les conseils de classe ont eu lieu. Certains des élèves iront l'an prochain en lycée professionnel et, si je comprends bien, l'imaginaire collectif perçoit généralement ces établissements comme une voie de garage. C'est une réalité? Alors, le lycée professionnel, c'est un lycée qui est ségrégué, donc on sait que les classes populaires sont extrêmement majoritaires. Donc c'est sûr que c'est un espace qui reflète la ségrégation du système scolaire. Pour nous, de notre point de vue à nous, cette orientation en fin de troisième, c'est un problème, puisque on se retrouve avec des élèves dont beaucoup au début de l'année troisième veulent une seconde générale. Malgré tous les défauts qu'on souligne de ségrégation, etc., certains élèves, quand même, s'épanouiront, on le pense. Après, c'est un pari sur l'avenir. Hein. On pense que certains élèves s'épanouiront mieux en lycée professionnel, auront des qualifications qui seront plus adaptées à leurs compétences actuelles. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on... Un conseil de classe de 3e, moi, personnellement, je n'en sors jamais totalement... Enfin, j'ai jamais la conscience tranquille. Je me sens toujours coupable, quelque part, d'avoir assigné à certains élèves un destin dont ils ne veulent pas et d'avoir décidé pour eux de leur orientation. Alors, je pose un peu cette question à la cantonade, hein, François Dubé, Julien Grenet. Que nous dit la sociologie de l'éducation en matière de filière professionnelle ? C'est quoi ? C'est la punition pour un jeune d'y aller ? Vous avez des pays dans lesquels les inégalités scolaires sont fortes, mais dans lesquels ceux qui n'ont pas réussi la voie royale ne sont pas maltraités pour autant. Si vous avez échoué à l'école en Allemagne, vous n'êtes pas pour autant quelqu'un dépourvu de valeur et renvoyé négativement parce qu'incapable de faire autre chose dans la formation professionnelle. Un vieux livre des années 80 rappelait quand même que 40% des ingénieurs allemands avaient été d'anciens ouvriers. Et le taux en France n'atteignait pas 2%. Parce que si vous n'êtes pas bon en maths, c'est pas la peine. Vous ne serez jamais ingénieur. Donc, il y a un rapport au monde du travail qui est extrêmement différent. Et qui est aujourd'hui d'ailleurs tragique. Parce que l'enseignement professionnel en France est souvent de bonne qualité. Mais on ne parvient pas à faire que autre chose que de dire aux élèves, si t'es pas assez bon, tu vas aller dans l'enseignement professionnel. Alors que même aujourd'hui, c'est statistiquement quelquefois paradoxal, parce qu'on s'en sortira mieux avec un BTS sur le marché du travail qu'avec une licence de sociaux, je vais dire, ou d'histoire, ou d'anglais. Enfin, bon, voilà, je veux dire que... Mais c'est tellement dans notre modèle que ça peut expliquer ça. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, enfin, en tout cas véhiculé par beaucoup d'acteurs du système éducatif, la voie professionnelle, c'est la voie de garage, la voie poubelle. En réalité, quand on regarde les vraies pratiques des élèves, et notamment les élèves qui veulent s'inscrire dans l'enseignement supérieur, on voit que beaucoup de ces formations professionnelles sont très attractives parce qu'elles offrent de très bons débouchés. Pensons par exemple aux BTS. Les BTS sont des voies professionnalisantes qui sont massivement demandées par les bacheliers généraux avant les licences. Et donc, évidemment, ces formations, il faut les revaloriser. Les IUT, par exemple, également. Et je pense que... là, la difficulté qui se pose pour ces élèves de lycée professionnel et de classe techno et puis des STMG, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas accès à ces formations les plus prestigieuses de la voie professionnelle parce que les places sont prises par des bacheliers généraux. Donc on n'a pas fait un effort pour permettre à ces étudiants d'accéder aux formations pour lesquelles ils ont été formés. Voilà. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut travailler, c'est-à-dire une démarche qui a été initiée mais qui n'est pas allée assez loin, la mise en place de places réservées pour les bacheliers professionnels et les bacheliers technologiques dans les BTS et les IUT. Le risque de chômage plus élevé persiste pour les descendants d'immigrés. Typiquement, le jeune garçon d'origine subsaharienne est celui qui aura le plus de difficultés, ajoute M. Pisani-Ferry. Le rapport qui compile diverses études existantes note qu'une partie des inégalités économiques s'explique par des facteurs individuels, formation, âge, sexe, catégorie socio-professionnelle des parents, ou local, lieu de résidence. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, Anas ? Ça parle qu'en général... Les descendants d'immigrés, en pourcentage, je crois, ils sont plus au chômage que les personnes qui sont ici depuis longtemps, des générations. Quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus ? Il a dit que c'était vrai parce qu'ils étaient plus... Ouais, ils sont plus pénalisés. Parce que, immigrés, ça veut dire, par exemple, je sais pas, déjà, comme ma mère, quand elle était en Angola, elle arrêtait l'école en troisième. Et ça fait que, en fait, comme elle a moins de rapport avec l'école, elle est moins stricte qu'un parent qui lui, serait parti à l'école. Alors, complètement. Enfin, pour moi, c'est. Non, pour moi, enfin, c'est le contraire. Par exemple, ma mère, elle n'est pas née en France, et justement, elle nous encourage à aller loin. Ouais, elle veut qu'on aille loin. Enfin, voilà. Quand on continue nos études, par exemple, quand on veut aller loin, ben c'est pour aussi rendre fiers nos parents. Enfin, leur montrer. Peut-être eux, ils n'ont pas eu la chance, mais nous, on l'a. Et du coup, on fait ça aussi pour eux. J'ai dit on l'a, mais on fait n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Qu'en gros, il n'y a pas que les parents pour nous aider dans la vie. Donc même si eux, ils n'ont pas eu la chance que nous, on a d'aller à l'école, d'avoir une vraie scolarité, c'est pas parce qu'eux, ils l'ont pas eu que nous, on ne va pas l'avoir, en fait. Enfin, OK, les parents, c'est bien, ça nous encourage, ça peut nous aider, mais c'est s'ils n'ont pas les capacités pour, il y a d'autres gens qui vont nous le faire. Donc ça ne va pas nous handicaper. Il y a des associations. Oui, avec Faiza l'année dernière, tous les lundis. Et en fait, depuis qu'on est en troisième, et ben on va dans des associations, tout ça, et ils nous aident pour nos devoirs, quand on a besoin d'aide et tout. Et voilà. Oui, pour le brevet aussi, on a fait un stage d'une semaine et franchement, ça nous a aidés en fait. En fait, tout à l'heure, je me suis mal exprimé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, comme ma mère, elle n'est pas partie à l'école, des fois, je peux plus l'embrouiller. Par exemple, quand elle me dit « Thomas, pourquoi tu n'étais pas là à ce cours-là ?» Je lui dis « Parce que ma prof, elle a dit que comme je n'avais pas besoin de ce cours-là, je n'ai pas besoin d'y aller. » Et ma mère, elle me dit « Ah, d'accord. » Faut apprendre à se éduquer seul, se poser des limites, voilà, être autonome. Ta mère, elle peut te dire « Sois à l'école. » Mais genre... ce qui compte, c'est toi. Genre, voilà, c'est ta présence, c'est ça. Faut que tu te poses des limites, te dire, faut que j'aille à l'école parce que c'est bon pour mon avenir. Et ta mère, elle peut rien y faire. Genre, après, c'est juste toi. Voilà, c'est toi. Non, mais arrivé à un certain âge, tout le monde sait que sa vie, ils vont pas la faire avec ses parents. Donc, soit tu te lèves, tu te dis, vas-y, je vais à l'école, soit bah tant pis en fait. Bah moi en fait c'est pas comme tout le monde parce que en fait moi j'arrive pas à mentir à ma mère. Genre ma mère il y a pas de en retard ou pas. Je te jure elle m'envoie au bled direct. À l'heure actuelle on peut rien faire si on n'a pas de diplôme. Même femme de ménage faut un diplôme. On doit forcément avoir un diplôme pour faire quelque chose maintenant. Si. Mais les... sans avoir de diplôme. Je te parle d'un métier de la vie active. Ouais. Ouais, du voir ça, on peut pas. Du théâtre, on peut pas. Par exemple, comme ils disent, un enfant de cadre, il aura plus de chances. Jamais ma mère, elle va se dire « Ah Thomas, viens, on va au théâtre. On m'a parlé de cette pièce de théâtre, elle me paraît fort intéressante. » Jamais ma mère, elle va dire ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas les mêmes sorties culturelles qu'un fils de cadre. Après, genre, on peut toujours, ce culte. Cultiver de soi-même, genre il y a toujours les livres et tout ça, mais un enfant de cadre il aura toujours une carte sous la manche, dans la manche, voilà. Moi j'ai une question là-dessus. Est-ce que vous pensez justement de la représentation des acteurs qui sont enfants d'immigrés au cinéma, à la télé? Ils sont pas beaucoup présents. Quand on donne un rôle à un enfant noir par exemple, il a soit le rôle d'une victime, de quelqu'un que personne ne respecte, qui va se faire influencer, ou généralement il a le rôle d'une racaille, enfin un noir de rue. Enfin, on dirait qu'il n'a jamais un statut élevé, toujours ce même rôle stéréotype et cliché. C'est le stéréotype des niafous, comme on dit. Niafous, une fille qui se fait remarquer, une fille noire qui se fait remarquer. Justement, c'est ça, en fait, dans Bande de filles, dans les films français, une fille noire, elle n'a pas une bonne place. Par exemple, Bande de filles. Quand je l'ai vue, je voulais arrêter dès le début. Parce que, mais justement, parce qu'après, au collège, par exemple, il y a des camarades qui vont dire « Ah, regarde, t'as vu ta sœur d'une bande de filles. » Non, ça donne pas envie. Je me dis comment les filles qui sont à l'intérieur, qui jouent ce rôle-là, elles peuvent le jouer. Monique Mahodo, vous avez été principale de collège pendant des années. Et vous, Françoise Inspector, vous êtes prof d'anglais au lycée Turgot, ici à Paris. Alors dites-moi, pourquoi la filière générale remporte toujours la mise, remporte toujours la palme par rapport aux filières professionnelles auprès des parents et des enseignants? Tout le monde n'a pas compris ce que voulaient dire les 80% d'une classe d'âge qui obtiennent le baccalauréat. C'est aussi un baccalauréat professionnel et c'est vraiment dommage que les familles ne veuillent pas que leur enfant aille sur une voie professionnelle. Alors les enseignants, certains connaissent mal aussi. Moi, j'aurais toujours essayé de leur faire découvrir les lycées professionnels. Certains y vont, d'autres n'y vont pas. Alors, comment vous expliquez, qu'est-ce que vous renvoyez comme image les parents pour motiver leur refus de voir leur enfant aller dans un lycée professionnel? Alors les parents ne connaissent pas et les parents disent « je veux que ma fille fasse des études ». C'est la réponse que chaque parent donne. Pour eux, ce n'est pas des études, c'est une voie de garage ou bien c'est « je ne veux pas qu'il apprenne, il ne sait pas quoi faire, il est trop jeune pour apprendre un métier ». On a beau expliquer que ce n'est pas un métier, il est vrai qu'on développe quand même une connaissance de champ professionnel, ils ne veulent pas. Je pense qu'il y a une méconnaissance des lycées professionnels de la part de tous parents, élèves, enseignants, qui est à développer, que l'on n'arrive pas à développer ni à valoriser. Et puis, beaucoup d'élèves, hélas, ont entendu, si tu ne travailles pas bien, tu vas aller en lycée professionnel. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit depuis 20 ans. Moi, je suis dans le système depuis tellement longtemps que je vis ça, enfin, la reproduction des élites et puis le fait que dans les classes du STMG, c'est que des Noirs et des Arabes. J'ai vécu ça depuis tout le temps que je n'ai même pas l'idée de me dire que ça pourrait être autrement et comment ça pourrait être autrement et quelles aides l'éducation pourrait donner à ces élèves-là. Je n'en ai même pas idée parce que je ne l'ai jamais vécu et je n'ai pas assez de recul. Je ne connais pas assez ce qui se passe dans les autres pays pour même penser à ça. On dit officiellement que c'est des élèves qui ont des projets, etc. Mais officieusement, depuis toujours, c'est des anciens G, en fait. Donc depuis toujours, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est des élèves qui sont pas assez bons en maths, pas assez bons en français pour aller dans les filières générales L, E, S, S. Et dans ces classes-là, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Et ça ne change pas. Voilà. Et nous savons que ce sont des classes plus difficiles, plus faibles. Et ils se sentent à part. Mais c'est normal, ils sont que en... Ils disent, on est entre nous, entre Noirs et Arabes. Mais on a un système scolaire tellement normé, tellement... C'est ça qui fait qu'on a des classes comme ça. C'est notre système scolaire qui ne va pas du tout. Qui est hyper... soit on est conforme, soit on est soit dans des voies de garage, soit exclu, soit... les élèves qui ne sont pas très conformes ont énormément de mal dans notre système. Alors on se conforme, on échoue. Moi, je suis plutôt impressionné par le fait que les élèves acceptent les inégalités, beaucoup plus que nous. Et les élèves qui eux-mêmes subissent le plus les inégalités, en sont les plus victimes, les acceptent beaucoup plus facilement. Des élèves en grande difficulté qui acceptent leur sort un peu comme un destin qui tombe sur eux, finalement, moi, je trouve que c'est une lucidité aussi de leur part, que l'école, elle est aveugle aux couleurs, elle est aveugle aux différences, elle est... sourde aux revendications d'égalité réelle. Voilà. L'école est sourde à ça. Hein, les cours d'enseignement moral et civique, c'est quand même beaucoup de principes. Hein. Il faut accepter que la discussion porte sur les origines, sur les discriminations, sur les discriminations passées et présentes. Les discriminations, mais pas seulement aux États-Unis, parce que souvent on prend le biais de Martin Luther King pour parler de la discrimination des Noirs aux États-Unis, mais on ne parle pas de la discrimination des Noirs en France. Mais d'avoir un discours objectif, j'ai envie de dire même quantifié, de ces discriminations, de regarder comment elles agissent et d'essayer de les déconstruire ensemble, là ça peut devenir intéressant. Or si on laisse les élèves s'en dépatouiller un peu tout seuls dans leur coin, d'abord ça ouvre le champ à des fantasmes, à des théories du complot, etc. Et ça ne permet pas de comprendre les ressorts réels de ces discriminations. l'histoire, par exemple, du racisme, l'histoire, même, j'ai envie de dire, des discriminations sociales. Paris comme espace aussi de discrimination ou de rejet des classes populaires depuis au moins le Haussmann, etc. Donc tout ça existe, mais si on ne met pas des mots dessus, des mots scientifiques, historiques, on prépare mal nos élèves à affronter ces questions de façon rationnelle et lucide. On va regarder la page 2. Allez, Anaïs. Des difficultés dans la scolarisation des élèves issus de l'immigration. L'écart de performance entre les élèves issus de l'immigration et les natifs s'est creusé durant les années 2000. En 10 ans, d'après PISA, l'écart de performance scolaire entre les élèves issus de l'immigration et les natifs s'est accru, à l'instar de la détériorisation des inégalités sociales à l'école. Avec l'Italie, la France est le pays de l'OCDE où les écarts augmentent le plus. Madame, c'est quoi les natifs? Ah bah, ouais, natif, c'est pas la première musique. Il y en a très peu. Madame, des Français de pour ceux, ça existe plus. L'année dernière, il y en avait plein dans ma classe. Et d'ailleurs, ils sont tous allés en S. Oui, mais ils sont toujours. Mais il n'y a pas de natif. Il n'y a pas de natif? Ben oui. Enfin, un natif français pure souche, non. C'est fini. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. C'est pas des pures souches. C'est français, le sang, le pur français, il n'y en a plus. Remonte dans les générations, tu verras qu'il n'y a plus de français. Parce que tu habites à Paris. Si tu vas en Bretagne, ou là-bas. Alors déjà, pure souche, en fait, pratiquement 85% des Français qu'on peut même penser pure souche, qui de toute façon ont des origines étrangères à partir des arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents. La France est un pays qui s'est beaucoup mélangé. En Bretagne, mais il y a des ports en Bretagne. Dès qu'il y a des ports, il y a des étrangers qui viennent. La France a vraiment accueilli beaucoup de monde. Il y a eu les Espagnols. Élodie Baquet, tout le monde semble dire qu'au lycée Maurice Ravel, tout va bien dans le meilleur des mondes en termes de mixité sociale. Mais quand on regarde de plus près, il y a d'un côté les filières générales avec des enfants issus de CSP++, des classes bien blanches, si j'ose dire. Et puis de l'autre, les filières pro avec des enfants quasiment tous de CSP-, avec des classes beaucoup moins blanches tout de même. Oui, c'est vrai. Mais moi, je peux pas aller au travail en pensant à ça, en fait. C'est un choix délibéré pour moi d'être avec ces classes-là. C'est plus pour impulser quelque chose de positif que pour les remettre sans arrêt dans le décor, quoi. Si je commence à leur faire du bourdieu à tous les coups, ils vont pas non plus être très très motivés. Le déterminisme social, je pense aussi qu'on peut l'édulcorer en impulsant une bonne énergie. C'est peut-être ça aussi notre rôle. On n'est pas obligé de se stigmatiser soi-même. Eux, ils sont scolarisés. Donc déjà, pour eux, le fait d'être toujours scolarisé veut dire qu'ils ont toujours le droit à une place, je pense. L'école est encore quelque chose qui est vu comme pouvant apporter, peut-être pas toutes les solutions, mais une solution. Parce que ça travaille quand même, hein, c'est possible. Enfin, en technique, on peut dire qu'on y a mis ceux qui sont un peu plus faibles, mais ils veulent, ils travaillent, vraiment ils travaillent. Enfin, si on compare les écrits d'une classe de première et de classe terminale, déjà par exemple, on voit une énorme évolution. L'énergie, ils la mettent là. Enfin, pour moi, ils la mettent là-dedans plus que dans le fait de ruminer une situation qui est vraiment négative. L'école républicaine fabrique les inégalités sociales, des élèves qui ne sont pas dupes. Avec Julia Goldman, Élodie Baquet et les élèves de sa classe de première STMG du lycée Maurice Ravel de Paris, Anaïs, Thomas, Mustapha, Halil Bella Ouaïda, Arab Kaina, Yacine El Jawari, François Dubé, Julien Grenet, Monique Mahodo et Françoise Inspector. Merci à Timothy Bonny pour son aide précieuse et à Gwen Michel de l'INA. Quand l'école républicaine fabrique les inégalités sociales, réalisation Vincent Deck, attaché de production Marie-Vonne Abolivier,